Seymour. Au moment où les premières neiges s'accumulent sur les sommets qui dominent la ville, Idaho Power coupe l'électricité dans la maison. Le réservoir de propane n'étant qu'aux deux tiers vide, Bunny chauffe l'intérieur en allumant le four, dont elle laisse la porte ouverte. Seymour recharge sa tablette à la patinoire et donne à sa mère presque tout ce qu'il gagne. Mathilda. Il fait froid ce soir, je pensais à toi. Seymour 6. Froid ici aussi. Quand il fait noir comme ça, j'ai envie de me déshabiller, d'aller courir dehors, de sentir l'air sur ma peau, pour ensuite me mettre dans mon lit douillet. C'est vrai? Il faut que tu te dépêches et que tu viennes ici, j'en peux plus. Tu dois t'occuper de notre mission. Le matin de Noël, Bunny le fait asseoir à la table de la cuisine. Je laisse tomber mon opossum. Je vais vendre la maison, prendre quelque chose en location. Il reste juste un an avant que tu partes. Et je n'ai pas besoin d'un aussi grand terrain pour moi toute seule. Derrière elle, le gaz suinte en émettant des lueurs bleutées. Je sais bien que cet endroit a beaucoup compté pour toi, peut-être même plus que je ne l'imagine. Mais je dois le faire. Il cherche une femme de chambre au Saxe Inn. C'est vrai que ça fait un peu loin, mais j'ai besoin de travailler. Avec un peu de chance, entre ce boulot et la vente de la maison, j'arriverai à rembourser mes dettes et aussi à me faire soigner les dents. Peut-être même que je pourrais payer une partie de tes études. Derrière la baie vitrée, les lumières du lotissement tremblotent à travers le brouillard glacé. Ces derniers temps, Seymour a développé une sensibilité effrayante. Une centaine de voix résonnent en cœur dans les souterrains de son esprit. « Mange ça. Habille-toi comme ça. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as pas ta place ici. Ta souffrance disparaîtra si tu achètes ceci immédiatement. » Seymour Stoolguy, le mec qui voit tout et qui aime remuer la merde. Là-bas, enfouis dans leur cache sous la remise de Pow Pow, attendent le vieux Beretta et les 25 grenades logées dans leurs alvéoles. S'il retient sa respiration, il les entend grincer légèrement. Bunny pose les mains à plat sur la table. Seymour, tu vas faire de ta vie quelque chose d'extra. Je le sais. Vêtu de son blouson coupe-vent, il se tient dans l'obscurité à l'angle de Lake et Park Street. Les lumières des décorations de Noël ponctuent la devanture du showroom d'Eden's Gate, placé à intervalles réguliers. On a installé des caméras de surveillance noires sous les avant-toits, et des autocollants en forme d'écusson brillent au coin des fenêtres. Des serrures sophistiquées protègent les accès à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Système de sécurité, alarme. Pénétrer là-dedans et y déposer quelque chose sans se faire remarquer relève de l'impossible. Cependant, il remarque que le mur ouest des locaux du promoteur n'est qu'à 1,50 m de la bibliothèque. Entre les deux, il y a tout juste la place pour un compteur de gaz et une plaque de neige gelée. Introduire des explosifs dans les bureaux d'Eden's Gate est peut-être infaisable, mais dans la bibliothèque. Seymour 6. J'ai trouvé un endroit. Mathilda. Une cible? Une mission. Ma façon d'enrayer la machine et de contribuer à réveiller les gens, de déclencher de vrais changements. Qu'est-ce que tu as, pour gagner le droit d'entrer dans le camp, décidé de faire et de te rejoindre? Le fichier PDF que Mathilda lui envoie par Privacy est plein de coquilles et de schémas approximatifs. L'idée générale est malgré tout limpide. Détonateur, cocotte minute, mobile prépayé, le tout en double exemplaire au cas où la première bombe n'exploserait pas. Il achète une cocotte au drugstore de Lakeport et s'en procure une autre au magasin Ridley. Puis, il prend deux cadenas chez Bergson afin de sécuriser la porte de sa chambre et celle de la remise. Démonter les grenades s'avère plus facile que prévu. À l'intérieur, la substance explosive paraît inoffensive, pareil à de petits copeaux de quartz doré. Pour mesurer les quantités, il se sert du pèse-lettre de Pow Pow. 560 grammes dans chaque cocotte. Il continue à aller au lycée, à passer la serpillière à la patinoire. Jusqu'ici, il n'était qu'au prologue de sa vie. Et à présent, elle va vraiment commencer. Début février, alors qu'il charge trois mobiles Alcatel prépayés derrière le comptoir de la patinoire, Il lève les yeux et découvre Janet face à lui dans sa veste en jean. Salut. De nouvelles grenouilles ont été cousues sur les manches. Elle porte un de ses bonnets en laine comme il n'en a jamais eu, tellement doux qu'on aurait envie de le garder tout le temps sur sa tête. Elle a les joues hâlées de quelqu'un qui a fait du ski. Et Seymour, en la regardant, a l'impression d'avoir vieilli de 10 ans depuis la classe de seconde. Comme si la Janet Fixette était une ère révolue depuis 1 millier d'années. « Ça faisait un bail, » lui dit-elle. « Comporte-toi normalement. Tout est normal. » « Si jamais tu te poses la question, je n'ai raconté à personne ce que tu as fait. » Il jette un coup d'œil au distributeur de boissons, au père de patins rangés dans leur casier. Mieux vaut ne rien dire du tout. La semaine dernière, ils étaient 18 à la réunion du club, Seymour. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de le savoir. On a convaincu la cafétéria de réduire le gaspillage. Et on se sert de serviettes en bambou, vu que le bambou est maintenant recyclable. On dit bien comme ça ? Renouvelable. Sur la piste, des adolescents en sweatshirt passent en riant près de la paroi vitrée. S'amuser. Les gens ne pensent qu'à ça. Ah oui, renouvelable. Le 15, on va à Boise pour participer à un sit-in. Tu pourrais nous accompagner, Seymour ? Tout ça commence à intéresser les gens. Janet lui fait son sourire un peu de travers et le fixe de ses yeux bleus noirs. Mais elle n'a plus aucune emprise sur lui. Seymour 6. J'en ai préparé 2 en suivant tes instructions. Mathilda. 2 tartes ? Ouais, 2 tartes. Et comment elles cuisent ces 2 tartes ? Portable prépayé, cuisson terminée à la 5e sonnerie, comme dit dans le PDF. 2 numéros différents ? 1 pour chacune ? 2 tartes, 2 numéros. C'était les instructions. Mais quand la première tarte sera cuite, la 2e aussi ? Quand ? Peut-être jeudi, tempête prévue. Sans doute moins de gens dehors. T'es toujours là ? Envoie-moi les 2 numéros. Le mercredi, quand il rentre du lycée, Bunny est en train de remplir des cartons à la lueur d'une lampe de poche. Elle lève les yeux sur lui, nerveuse et un peu éméchée. C'est fait, on a vendu la maison. Seymour pense alors à ses cocottes minutes, cachées sous l'établi de la remise et pleines de composition B, et un nœud d'anguille se tord dans son ventre. Est-ce que... Ils se sont décidés après avoir vu des photos sur Internet. Ils ont l'argent au bout des doigts. C'est juste le terrain qui les intéresse. Ils comptent démolir la maison. Tu imagines ? Des gens assez friqués pour acheter une maison en ligne ? Bunny laisse tomber sa lampe. Et Seymour, en la ramassant, se demande quelles vérités sont tacitement transmises entre mère et fils. Et lesquelles ne le sont pas. Maman, est-ce que je peux utiliser la voiture demain ? Je te déposerai à ton travail le matin. Mais oui, Seymour, pas de problème. Elle éclaire l'intérieur d'un carton avec le faisceau de sa torche électrique. Seymour l'entend s'exclamer alors qu'il s'éloigne dans le couloir. 2020, ça va être notre année. Seymour 6. Quand les tartes seront cuites, comment je saurai où aller ? Mathilda. Pars vers le nord. Appelle le numéro qu'on t'a donné. Vers le nord ? Oui. Vers le Canada ? Va vers le nord et on t'enverra des instructions. Et le passage de la frontière ? Tu vas être génial, le plus courageux des guerriers. Et en cas de problème ? Il n'y en aura pas. On sait jamais. Appelle le numéro. Si quelqu'un vient, tout le monde ici, stress, sera fier de toi. Fou de joie.